Dis prout, 3, 2, 1, prout. 3, 2, 1, prout. 3, 2, 1, prout. Grushkov. Tuki. Adrien. Et Maddy. Faucon Millénial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Ok, attendez, pause. Pause, Grushkov. Pause, je vais aller lancer l'épisode et je vais le mettre. Attends. Oh là là, je suis tout excité, tout stressé, tout... Putain, je suis pas prêt le jour où ça va être moi qui va être le papa, laisse tomber. Hein. Oh Bientôt. Bah bientôt non, j'espère pas, c'est pas prévu. Dans 20 jours, là. On t'a pas dit. Bah putain. En fait, tu fais des... T'as tes Moira Morrison bébé qui sort. Ah, il ah, avait... incroyable. Accelerated growth. J'ai envie de baiser, là. Je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Oh, yeah, yeah, yeah. Quoi de neuf, mon baby? Quoi de neuf, j'ai un mon neveu qui va naître, là, donc... C'est pas beaucoup, ça. Non, effectivement. C'est pas une grosse news? Effectivement. Ouais. C'est que une naissance. Ouais, tout le monde l'a fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Littéralement, tout le monde l'a fait. Littéralement, tout le monde l'a fait, putain. Oh, tu pourrais dire, et du coup, par rapport à la recherche... Eh ben alors oui, du coup, il y avait un mec qui m'avait, que Toto avait trouvé sur le Discord de... Putain, histoire horrible. Sur le Discord de Star Wars Universe. En disant bonjour et tout. Et en soi, bonne idée, tu vois. Et le mec, je lui envoie un message. Je lui dis bonjour et tout, c'est Adrien du podcast Faucon Millénial. Du coup, on m'a dit que t'étais intéressé parce que t'as connu Star Wars à l'époque, ça. Donc, je lui fais un pavé en disant bonjour, voilà, est-ce que tu, je sais pas si tu connais notre podcast, mais en gros, voilà, on pense que Star Wars c'était pas forcément mieux avant et on a un podcast ancré très à gauche, quoi. Est-ce que c'est OK pour toi? Et il m'avait répondu le lendemain. Et putain de merde, je sais pas ce qui s'est passé. C'est le 24 janvier qu'il m'a répondu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Discord n'a pas montré les notifs. Et du coup, je lui ai jamais répondu. Oh merde! Ouais, et du coup, je lui ai répondu tout à l'heure en disant putain, je suis désolé, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas eu les notifs, tout ça. Et il m'a bloqué. Il t'a bloqué? Bah ouais, et il a quitté des serveurs et il m'a bloqué. donc c'était Coco m'a dit c'est terrible, je me dis putain. Mais il avait répondu quoi? Mais rien, en plus il était en mode genre oui et tout, bon je suis pas trop fan de Star Wars épisode 8 mais je suis pas un vieux con et moi aussi je suis de gauche et tout, enfin tu vois genre y a pas de sous. Ok, alors allons vite. Oh, j'espère qu'il va s'appeler Anakin, putain. Il est même pas né, il déteste déjà son neveu. Ah là là. Non mais non, attends, et à Noël, il est même pas dit que je lui avais déjà acheté une peluche de Grogu, s'il vous plaît. Ah ouais, d'accord. Putain, imagine, il l'appelle Grogu. Il fait déjà de la propagande, quoi. C'est... Adrien veut que tu rencontres ton neveu. Gros goût cacafias. On va l'appeler R2D2, putain. Par contre, Grush, j'ai un petit problème avec ton... Avec ton... Sexe. Ton document, c'est qu'on n'a pas de source. Hein, moi j'en ai. T'en as? Ok, très bien. J'en ai de mon côté. Très très bien, ok. Bah ouais. Mais c'est pour ça, moi, c'était ça que je voulais que vous ajoutiez, pas des screenshots de ce que vous voulez. Je suis hilarant. Ce que je pense de cette chose. Il y a Tiki qui est en train de prendre un truc à côté de moi. Essayez de pas parler trop fort parce que je m'entends chez Tiki. T'embêtes pas, c'est pas grave, c'est mon problème, c'est parce que je parle fort. Il faut que tu fasses de l'ASMR maintenant. Ah. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres. Oh putain, c'est vrai, attends, faut que je joue le conducteur, moi. Ouais, je l'ai pas partagé parce que c'est toujours au même endroit et si vous savez pas où il est, bah, c'est votre problème. T'es... Vous voulez que je le partage ou pas? Oui. Non, c'est bon, je l'ai. S'il te plaît. Tu veux, Maddy? Oui. Je le mets. Moi aussi. C'est incroyable, ces gens. Je le perds tout le temps. Alors, j'en peux plus. Hein. Vraiment. Assister. C'est vraiment pas. Ta kit booster, super. Il y a Ika sur le document. Big up Ika, on pense à toi. Pour les auditeuristes, on est en train de forcément de suivre un conducteur en document Google Doc et Ika vient faire coucou dans le doc en nous écrivant des bêtises. Je vais sûrement couper ça mais le mettre dans le bêtisier. Comment dire. Et Ika nous rappelle que Arrakis est aussi une planète déserte dans Dune et du coup je suis distrait. Bon, très bien, attendez, j'ai pas mes notes. Elles sont où, mes notes? Où sont mes notes? Oh purée. Ouais, tu vois, c'est pour ce genre d'enregistrement, ce genre d'émission, qu'il nous faut un paywall pour certaines émissions. Voilà. Ouais, comme ça, on n'a pas des mineurs qui viennent écouter nos trucs de zizi. Bah voilà. Allez-y, venez sur notre Patreon. Ouais, par j'avoue, contre... on devrait faire ça, exclu Patreon, tous les trucs de cul. Bah oui, mais moi, pour de vrai, je suis pour. Oh, les capitalistes. Adrien, tout à l'heure, était en train de dire « Je déteste le capitalisme. » Ouais, mais je déteste le capitalisme, mais quand ça peut me rapporter de l'argent, ça me va. Mais non, mais c'est éthique, pensez aux enfants, on peut pas leur laisser écouter ça. Voilà, voilà, du coup, c'est uniquement. C'est le contenu alors, adulte. Et vous savez quoi, on peut pas mettre un prix libre, genre, ne serait-ce qu'un euro, tu vois, mais juste un truc pour juste qu'on ait Je crois pas qu'il y avait ça. Une sécurité pour certains épisodes. Si tu as une carte bancaire, tu peux accéder au cul. D'ailleurs, Adrien, je sais pas si t'as vu. Non, bon, mais c'est pas le moment d'en parler. Pornhub, on met ça sur Pornhub. Un only fan du faucon. Le premier podcast Star Wars sur Pornhub, vous vous rendez compte? C'est juste un podcast, mon gars. Je vais être perdu. Et je suis sûr qu'il y en a qui se feraient plaisir sur nous. Les French Cakette, là. J'en suis sûr. Alors, on peut pas voir les images? Non, parce qu'ils ont dit que ça allait les distraire tout, ils voulaient pas. Mais si tu veux, je restream. Moi, j'ai envie d'être distrait. Ouais, bah, c'est ce que je pensais mais aussi. Problèmes, en fait, il faut... Tu comprends le montage, ça, Grushkov. Mais en gros, le souci, Tuki, c'est qu'il faut vraiment qu'on réagisse le moins possible aux images pour que les gens sachent de quoi on parle. Ok. Mais moi, j'ai besoin d'images. Si tu veux, si t'as besoin, vas-y. Si je passe au... Et c'est moi qui suis infantasique ici, hein. Ouais. Le cul, le gros cul bien puant. Ah, oui, ça c'est moi ça. Très bien, ok. Je pensais que t'allais régler ça justement, mais... Non, vous allez avoir le micro caca pendant tout du long. Mais ça sera pas enregistré comme ça. Ah, très bien. J'adore le caca. Bah oui, je sais. Ah là, terrible. Ouais. Bon bah tant pis, je ne travaillerai pas là-bas. Désolé. C'est peut-être fait exprès pour se tenir dommage, loin du truc. Ils se sont dit. Ouais, c'est ça. Ils aiment trop. Là. Faut surtout pas qu'Adrien vienne parce que ouais. Là, ça va être terrible sinon. Une usine à merde. Ça va l'attirer là. Une vraie mouche celui-ci. Adrien la mouche. Est-ce qu'on se synchronise oui. avec nos. Bah justement, j'allais dire pour rester dans le thème. Je... Tu te souviens? Je termine juste un truc. Ah, okay. Hop, hop. Oui, oui, oui, non, t'inquiète, je me souviens. C'est pas quelque chose qui s'oublie. Si on faisait, par exemple, une émission sur du trivia Star Wars, est-ce que tu penses que tu en connais trop ou est-ce que tu penses que ça, c'est ok, tu pourrais y participer? Moi, je joue pas contre lui. Hein. tu couperas au montage, mais je lis plus ou moins la conclusion de ma critique en reformulant à droite à gauche. Je me suis dit, moi, est-ce qu'il est en train de lire les notes qu'il a prises ou pas? Non, je rajoute des petits bouts à droite à gauche, mais Adrien, est-ce que c'est des choses... le seul passage hein, où j'ai lu la critique. Hein. Ouais, c'est pas mal que tu dis ça parce que ça me permet d'aborder un point là qu'on n'a pas abordé, c'est les autres personnages du livre qui ont été créés pour le livre. Oh. que j'ai pas du tout parlé et ça va me permettre de pouvoir parler d'eux si tu me lances là-dessus. Eh ben, hey, vas-y, let's go. Je t'en prie. Ok. Tu veux reformuler, redire ta question? Non, j'ai trouvé que j'avais bien formulé. Ok, très bien. Et les personnages créés pour l'occasion. Voilà, okay. Je rajouterai ça quelque part. Ouais. Vous avez vu le pape, il est mort, MDR? Oui, ça m'a fait rire, ça m'a fait ma journée, moi. Il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo d'une personne trans qui disait que hier, elle avait... couché avec une personne super catho et la personne avait super peur et tout et du coup la personne trans lui disait mais tu sais rien de mal va t'arriver parce que tu te fais plaisir et tout donc t'inquiète ici c'est un safe space et tout y a rien de mal qui peut arriver et puis après le pape est mort. Ah non. Et elle fait maintenant il croit que c'est moi qui te sais à cause de ah moi. Non. Mais non. Les trans ont réussi à avoir le pape, putain. Tu viens juste m'attraper un des paquets de mouchoirs, ils sont super bons. Pourquoi ils sont à 10 km de toi et toi qui les utilises? Je comprends pas. Il te faut la bande de bière comme Chewbacca, mais c'est des paquets de mouchoirs. C'est mon cri de Wookie, c'est quand je me mouche. Oui. Attendez, les couleurs c'est quoi déjà? Jaune c'est Maddy. Violet c'est moi, je suis orange. Couleurs, en plus. Très bien. Ouais. Tout ouais, c'est moi des qui ai couleurs. Dessiné des couleurs et c'est moi qui ai posé. C'est toi qui as dessiné, oui. Et ensuite, j'ai besoin d'éternuer, attendez. Acha. Oh, trop mignon. C'est pareil que tout et j'aime bien le fait que ce soit divers. Voilà. Vert. Et varié. Ah, ça, tu dis pas, ça. Non, bah non, tu m'as pas dit de le faire. Bah, du coup, fallait l'avoir. Bah, du coup, fallait l'avoir. Et du coup, à l'époque, dans chaque partie, t'avais Vador qui se baladait avec ses Stormtroopers. Et du coup, tu pouvais l'attaquer. Et une fois que tu le tuais, tu pouvais récupérer son sabre laser, qui était plus puissant que les autres, du coup. Et j'ai une anecdote à ce sujet, que j'ai jamais raconté nulle part. Et j'ai une vidéo qui traîne dans mon ordi, normalement, de cet événement. Je jouais avec mon pote à l'époque à ce mode-là, donc Chipo, big up à toi. Et on a tous les deux pris le skin de Vador et lui, le skin de Stormtrooper. Tuer Dark Vador, qui se balade sur la map avec des Stormtroopers. On a récupéré ses armes, à Vador et aux Troopers. Et du coup, on a commencé à se déplacer sur la map en faisant l'emote de Vador, la marche impériale. Et on se baladait à travers à travers la map comme ça. Et en fait, les gens nous attaquaient pas dans le jeu parce qu'ils pensaient qu'on était les PNJ Vador. Et du coup, les mecs nous évitaient en se disant « Putain, il y a le boss Vador de la map qui se balade. Je vais pas l'aggro, je vais pas le taper parce que sinon, il va me niquer, quoi. » Et en fait, nous, on passait à côté des gens et les gens nous attaquaient pas et pensaient qu'on était des PNJ. Est-ce que vous avez gagné, du coup? Et Grushkov, on a fait top 1, putain. Bah ouais, bravo. On était deux, il y avait, je me rappelle encore, hein. On était deux, et la map était toute petite. On était deux, donc avec mon pote, et il y avait un autre gars qui se baladait en face de nous. On a été le chercher en marchant. Le mec, il courait dans tous les sens pour essayer de nous trouver, tout en ne se disant pas, mais pourquoi le Vador et le Stormtrooper viennent vers moi? C'est trop bizarre. Non, il s'est dit, ouais, c'est le Vador de le PNJ de la map. Non, non, c'était le joueur, en fait. C'était nous. Bref, c'était très drôle, j'avais envie de vous partager cette histoire. Big up à toi, Chipo, si tu nous écoutes. Trop mignon. Big up. Et du coup, Night Jedi, je te lance ou tu veux faire... Bah, je l'ai fait. Ah putain, oui, pardon. Désolé. T'inquiète. J'avais un doute quand je te... Attends, mais elle vient de le dire, en fait. Je suis trop con. Bah, Adrien. Mais attends, Adrien, il s'est endormi. Justement. Mais Oh, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Il s'est vraiment endormi. Ah oui, je suis vraiment en train de m'endormir, c'est terrible. Non, non, c'est bon, on repart. Allez, on y est presque. On y est presque. Piou. Il vient de nous tirer dessus. Et on est mort. Et vous êtes tous day say day. C'est marrant, on aurait dû nous tuer quand on a dit. Ouais. C'était la poule qui approuve. Qui approuve. franchement, merci à Trost parce que depuis je suis anesthésié, quoi. Je peux voir toutes les pires merdes et me dire, oh, ça va, au pire, c'est pas si grave. Vraiment, ce film nous a tués, vraiment. Ouh, d'ailleurs. Avec de la force. De la force soit avec vous. Oh oui, que la force soit avec vous, un peu cher. Oh, que la force soit avec vous, peu cher. La force, et le Ricard aussi, hein. Pastis. À l'apéro, hein, la force de l'apéro, la quoi. La force là de l'apéro, ouais. Bon, du coup, Jedi Archiviste, alors, on appelle ça? On dit Maître Jedi, donc Archiviste pense... Jedi, allez. Ah, non, mais c'est comme tu veux, c'est ton émission. Chevalier Jedi, Maître de Jedi, Padawan Jedi. Allez. Ouais, Archiviste Jedi, ça claque. En vrai. Chiviste Jedi. Mais comme tu sens, hein. Allez. Pourquoi pas Jedi? J'avoue. Archiviste. Maître Archiviste Jedi. Maître Archiviste. Archiviste en chef Jedi. Jedi Archiviste non, en chef. Membre du conseil, Maître Jedi Archiviste en chef. Et il n'a pas le rang de maître. Oui, mais il a le rang d'archiviste. Ouais. Bonjour à tous. Non, c'est toi qui dois commencer. Ah bah voilà, mais... Je reprends mon calme. Oh putain, ils sont insupportables ces deux-là. Oui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Archiviste Jedi, votre nouvelle émission d'information sur les littératures... Je recommence. Tu vas hyper vite. Ouais, essaye de speed read. Ouais. On t'attend quelque part. Et pour la première émission, Lain Hang Su, archiviste et expert univers étendu, est allé nous déchirer... Attends. Nous déchiner. Et... extrêmement, oui, et extrême beau gosse est allé nous dénicher dans la... C'est vrai, non, faut le dire. Est allé nous dénicher dans la bibliothèque Jedi d'Otsus. Ah putain. Blablabla. Sus. Dans la bibliothèque sus. Jedi d'Otsus. Un roman. Ouais, refais. J'avais y arriver. Refais là du début. Et arrête de sucer Adrien. Oui, tout à fait, Grushkov. La Haute République, c'est un... Blabla, Haute République. Pardon. Je reprends. Ça va être beaucoup plus long que ce que je pensais. Tu vas avoir beaucoup plus de choses à... Je me mets des bâtons dans les roues à moi-même. Tu vas avoir même, hein, beaucoup plus de montage à faire. Pardon, je suis en train de faire un mème. Excusez. Donc, nous, lecteurs de Star Wars, bien que ça ait déjà eu lieu un peu avant le rachat de Disney, on l'a découvert. Découvert. Ouais, merci. Je me suis rendu compte que je disais une horreur en le... On l'a découvert. Je suis Grushkov et je serai con. C'est bon, il est perdu. Ouais, mais ça, t'inquiète pas, tu l'es déjà, Grushkov. Je serai con. Bah, Maddy est parti. Maddy nous déteste. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis fait têche du groupe. Bah, Adrien, qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est pas moi. Vérifie ton enregistrement. C'est bon, il s'est pas arrêté, par contre. Ok, ok. Bon appétit. Pardon, je mange des pâtes à la main. Je suis désolée. Peut-être faudrait faire un trigger warning pour les personnes misophones. Oh pardon, je fais trop de bruit. Non, bah pas pour moi, mais pour les gens qui nous écoutent. En fait, espèce moi, de gros dégueulasse. Hein. J'essayais de pas manger en parlant, mais j'en avais plein les joues comme un hamster. Là. T'inquiète. c'est quand même manger en parlant. Pardon, si je suis aussi mésophone. Pardon. Je m'excuse auprès de tous les gens qui auraient entendu mon ASMR de pâtes. Tuki qui va s'auto-trigger de manger. J'écoute mais pas les épisodes, c'est pour ça que je veux pas mon temps de manger des pâtes. Tuki, tu as assez du fascisme, n'en rajoute pas, d'accord? Ok. Du coup, c'est Gavi, le footballeur qui joue à Barcelone, c'est ça? Non. Une émission animée par les Faucons Millenials en partenariat avec le premier site d'actu. Oh. Pardon. Mais je m'y attendais pas. Maddy, quel est ton avis à toi? Maddy est morte. Maddy a fait un AVC pendant l'introduction. Allô? Ah, allô? C'est bon. Allô, on t'entendait plus. Vous m'entendez? Ah! Mais de toute façon, je lui parle pas, du coup, je sais pas pourquoi je pense. Salut maman, on s'est pas parlé depuis 10 ans, mais ça t'intéresserait de parler de Star Wars dans un podcast? Salut à tous, je suis Adrien. Et je suis accompagné aujourd'hui de Grushkov. Salut Grushkov. Salut, comment ça? Ça va et toi? C'est moi, Patrick Sébastien. Oh, super. Patrick Sébastien qui se fait pépon au Cap d'Agde, putain. Oh, ouais, vas-y, je fais tourner les serviettes pour pas qu'on voit me faire sucer. Oh putain, tu fais vachement bien, Patrick Sébastien. Tu l'avais jamais fait, tu l'imites vachement bien. Écoute, je l'ai juste senti sur le moment, je l'ai jamais fait de ma vie. Non mais très bien, on refera venir Patrick Sébastien dans le podcast. On est avec Maddy. Salut Maddy. Et salut, c'est moi la nouille à Patrick Sébastien. Oh putain de merde. Oh, c'est génial. Et ça va ma couille. Littéralement. On est horrible. Putain de merde. Oh là là, j'espère que les étudiants tomberont jamais sur mon podcast. Ah, moi, je vais leur distribuer en format CD, tu sais, à la sortie des cours. Oh, tu leur drop ça en cours. Ah non, mais quelle horreur. Non, en plus, c'est des bébés Gen Z et tout. Ils vont voir les ils vont dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Ils vont se dire, c'est qui Patrick Sébastien? allez, prenez. Je suis en train de crever. Si ça se trouve, la seule fois où ils ont entendu parler de lui, c'était à cause de cet été. Ah, c'est possible. T'imagines, c'est la première fois que t'entends parler de Patrick Sébastien. Oh putain. Franchement, pique Patrick Sébastien. Genre, c'est qui Patrick Sébastien? C'est un vieux gars qui se fait pépon dans un concert, dans un camping, quoi. C'est quand même incroyable. Je vous propose, Grushkov, qu'on remette ça dans le bêtisier et qu'on mette pas ça vraiment dans l'épisode parce que c'est un peu... Let's go. Voilà. On recommence. Salut à tous, je suis Adrien et je suis accompagné aujourd'hui de Grushkov. Salut Grushkov. Salut, je suis Patrick Sébastien. Je suis en train de me faire pépon. Oh non. Pardon. Oh Putain, merde, ça va être bon. Vas-y, elle est où la vidéo? Oh. Oh non. T'as vraiment envie de voir la vidéo de Patrick Sébastien qui se fait pépon? Bah, oh putain, merde. What mais the oui. fuck. Il se fait vraiment pépon, t'as vu? What the hell. Il y a des gens qui disent que c'était juste mimé, mais même mimé, c'est trop. Non, non, mais en vrai, attends. Si c'était juste mimé, mais il se remettrait pas les couilles en place à la fin. Genre, vraiment. C'est pendant un show et tout, c'est... Mais oui, c'est pendant public. Un concert. Il y a la vieille Jacqueline qui monte sur la scène et qui commence à le pépon, quoi. What the hell. J'étais absolument pas au courant avant, justement. C'est vrai. Ah ouais, ouais. Ah putain, attends, je vais marquer. Putain, quel baiser. Un des bénéfices de quitter la France, c'est que t'entends plus trop parler de Patrick Sébastien. Bizarrement. Ah putain, je chiale. Ok, on peut recommencer. Je fais, t'inquiète, je vais... Je se dirai... Non. Je suis bloqué. Sébastien peut repasser son corps. Merde. Il est en train de pépon mon âme. Oh putain, j'ai mal aux joues. Allez. Coucou Adrien. Du coup, même ça me fait rire. Oh putain de merde. On est foutu. Oh, ok, hello, on recommence. Attends, on recommence tout. Ouf, tu mettras ça dans le bêtisier. Ouais. Très bien. Ah ouais. Là t'as un bon truc. Hein. C'est clair. On devrait refaire les proutes, non peut-être. Bah les proutes on peut les garder. Par contre on devrait peut-être te mettre un marqueur. Oui. T'inquiète. Tiens, hop. Moi je suis. 27 minutes 30. 27:40. Ouais. Hop. Merde. 27:40 heures. Alors. Salut à tous, je suis Adrien. Non, je vais la refaire, elle est pas bien. Alors, je vous propose, les amis, qu'on commence à. Putain, Grushkov. Trois plombes à l'écrire. En ouais, plus, j'écris sinon, avec une seule main parce que je suis en train de me branler en même temps. Dans... Non. Yes. Vas-y, mon chéri. Bah, après, si ça vous dérange pas que je mange pendant que vous faites la présentation, je peux essayer de pas faire de bruit. Ouais, tu peux. Non, mais au pire, tu te mutes pendant nos présentations. Je mute parce que je suis sur le micro qui est connecté à l'ordi de grue. Ah oui, c'est pour ça. Mais regarde, je fais vraiment pas de bruit quand je mange. Pas de problème. Le goré. Bonjour, bonjour. Alexa, éteins la lumière. Enfoiré. Pardon, je suis désolé, Grushkov. Je suis désolé, excuse-moi. Excuse-moi. Non, attends, on annule tout. Allez, c'est bon. Je quitte bonne le faucon. ok, très bien. Est-ce que Alexa éteint la lumière? C'est bon, c'est fait. Attends, tu sais quoi? Dis Siri, active ne pas déranger. Très bien, j'ai activé ne pas déranger. On l'a entendu. Moi, je l'ai pressé. J'adore quand on entend. Bah oui, parce que sinon, il parle trop lentement. J'ai augmenté sa vitesse parce que ce bâtard, il met 40 pignons à me dire oui ou quoi. Donc voilà. active, merde. Donc, ce qu'on va faire. On va parler du coup en plusieurs parties. D'abord de la genèse un peu du film, comment il en est venu à devenir le film qu'il est. Donc pour ça, j'ai écrit « Demandez à Pierre de tout nous expliquer ». Donc j'espère que tout ça. Attends, je sortais des bouquins là. C'est bon, ok, c'est bon. Si tu veux, Grush, je m'occupe de... La deuxième grande partie de la modérée. Ouais, si tu veux. Ouais. Pourquoi t'as rien à dire, t'as oublié le film? Ouais. Attends, on l'a vu cette semaine, enfin la semaine dernière. Attends, quel film gauche? Battlestar Galactica. Ok, très bien. Eh ben, on va pouvoir y aller. Tout est bon, les enfants sont au dodo. Jamais vraiment. C'est... On a les mêmes, de toute façon. On a les mêmes. Ok. Bon, alors, c'est parti. Attendez, je me gratte l'oreille. C'est le bruit de moi qui me gratte l'oreille. C'est chelou. Tu devrais faire une émission avec les trucs chelous que t'as déjà dit, quoi. Crois-moi, c'est loin d'être le truc le plus chelou qui t'ait fait ce soir. Hein. Rien que ce soir, quoi. Ça, c'est la faute d'Adrien, il nous a fait regarder des trucs bizarres. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans l'annuel, moment où Grushkov improvise, il oublie d'écrire des trucs. C'est la tradition depuis 7 ans maintenant. Wouah, joyeux anniversaire, 7 ans, presque majeur. Podcast. C'était une bonne année, on s'est bien amusé, même si c'était difficile parfois de faire des épisodes parce que on est tous très fatigués. Je sais que Adrien par exemple, il a beaucoup de travail tout le temps et en plus il nous déteste, donc vous savez, c'est difficile pour lui de faire des trucs avec nous parce qu'il nous déteste. Mais voilà, en niveau sortie, cette année, on a fait 23 épisodes, donc pas mal. Évidemment, beaucoup aidé par la deuxième moitié de Skeleton Crew. Enfin, la deuxième moitié, les trois derniers épisodes de Skeleton Crew. Et évidemment, Andor, qu'on a décidé de faire en trois arcs plutôt que épisode par épisode. Et franchement, j'ai préféré faire comme ça, c'était bien, c'était vraiment cool. Un des autres trucs très majeurs de cette année, c'était de faire des émissions un peu plus spéciales avec Line. Qui vont continuer l'année prochaine. Malheureusement, on n'a pas pu faire la deuxième partie de l'épisode sur les fans. Je sais que le premier avait été beaucoup, beaucoup aimé. C'est juste Adrien a du mal avec l'organisation. Comme j'ai dit, il est fatigué, il nous déteste. Donc, c'est pas facile pour lui. Et, mais voilà. Et évidemment, Adrien, en parlant de lui, il nous a proposé de faire du coup ce qui est devenu Faut qu'on présente, et j'ai beaucoup beaucoup aimé travailler là-dessus, et pour sûr on va avoir plus d'épisodes comme ça l'année prochaine. Donc voilà, le plan l'année prochaine, on va essayer de se mettre en mode hype pour Mandalorian et Grogu, essayer de rattraper quelques trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire cette année, comme Visions par exemple, et quelques épisodes que je voulais faire avec Line qu'on n'a pas eu le temps de faire pour l'instant, et voilà. J'espère que vous êtes prêts. Nous, on l'est pas. Bisous, bisous. Bonne fin d'année et à l'année prochaine.